So listen to me now. Donc, écoutez-moi maintenant. When the day comes, quand le jour vient, in the church, et l'église is found to be wearing this righteousness, est trouvée, portée cette justice, then he says, they can enter. Celebration is great. They have made it. Alors, il dit, ils peuvent entrer. La célébration est grande. Ils sont prêts. That means the Lord is saying the following. Ça signifie que le Seigneur dit ce qui suit. That this garment I have come to announce and pronounce. Que ce vêtement que je suis venu annoncer et prononcer. And declare for the church. Et déclarer pour l'église. This garment of righteousness. Ce vêtement de justice. He's saying this garment has the authority of the Messiah. Il dit, ce vêtement a l'autorité du Messie. And the garment has this authority. Et le vêtement a cette autorité. When given to the church, she enters. Quand il est donné à l'église, elle entre. Meaning, ce qui veut dire the accusation. L'accusation. The accusation that came through Adam is over. L'accusation qui est venue par Adam est passée. That is the authority of this garment. C'est l'autorité de ce vêtement. The accusation that came through Adam's mistakes and error. Les accusations qui sont venues par la faute et l'erreur d'Adam are finished. Sont finies. In Hebrew they call it tamin. En hébreu, ils appellent ça tamin. Tamin. Tamin. Meaning to make whole again. Ce qui veut dire être à nouveau complet. Meaning to restore its integrity. Ce qui signifie restaurer son intégrité. That means the error that Adam and Eve did has been erased by this garment. Ça veut dire que l'erreur qu'Adam et Ève ont faite a été effacée par ce vêtement. If it was a surgery, let's say. Si ça avait été une opération, disons. You know the way they do a surgery to correct a situation? Vous savez, ils font une opération pour corriger une situation. And then you see the sutures. Et ensuite vous voyez les points de suture. You see where they stitched. Vous voyez où ils ont fait les points. Remain as a scar. Qui reste comme une cicatrice. Non! Non! He said this one here. Il dit celle-ci ici. The correction is such that you don't see nothing. La correction est telle que vous ne voyez rien. There are no scars to show that this part was cut. Il n'y a pas de cicatrice pour montrer que cette partie a été coupée. If you look at the Hebrew root word, si vous voyez la racine hébraïque, when it says tamin, quand il dit tamin, meaning to restore completely when you look like it was, qui signifie restaurer complètement. Quand vous regardez, c'est comme avant. There is no sign that it was ever spoiled. Il n'y a aucun signe que cela a jamais été abîmé. Ah! This garment of righteousness to the church. Ce vêtement de justice à l'église. To take away the accusation. Pour enlever l'accusation. That this generation, the previous generation. Que cette génération, la génération précédente. This Adam have been carrying. Cet Adam a porté. That's why he says they enter. C'est pourquoi il dit ils entrent. In other words, en d'autres termes, this garment of righteousness that the Lord speaks to me, ce vêtement de justice dont le Seigneur me parle, about the two golden glorious wedding rings, sur les deux bagues de mariage en or, and sends me to announce to the nations, et m'envoie pour annoncer aux nations, to the church global, à l'église au niveau mondial. In other words, en d'autres termes, that garment corrects the mistake. Ce vêtement corrige la faute. And so if there's anything the church needs to go on to now, et donc, s'il y a quoi que ce soit où l'église a besoin d'aller maintenant, is this righteousness. C'est dans cette justice. Corrects the mistake, removes the accusation anymore. Corriger la faute, enlever l'accusation. For her to enter. Pour qu'elle entre. In fact, he's saying, en fait, il dit, she wears the righteousness of God. Elle porte la justice de Dieu. How can a mere mortal, comment Est-ce qu'un simple mortel, un simple mortel, now wear the righteousness of God, maintenant porte la justice de Dieu, and so now, et dit maintenant, I can stand with the righteousness of God, je peux me tenir avec la justice de Dieu, and enter heaven. Et entrer aux cieux, the authority of this garment. L'autorité de ce vêtement. Ah. And then say, et ensuite vous dites, with this red righteousness of God, avec ce chemin, on a la justice de Dieu. How can mere mortal, comment est-ce qu'un simple mortel, in any case, if you look at the church, dans tous les cas, si vous voyez l'église maintenant, there is a tremendous accusation on the church right now. Il y a une énorme accusation sur l'église, juste maintenant. But you say, qu'il dit, if we go back here, si vous retournez ici, the accusation will be removed. L'accusation sera enlevée. And we will enter also. Et nous entrerons aussi. In other words, en d'autres termes, what I was coming to, où je voulais en venir, through that root word in Hebrew, à travers cette racine du mot en hébreu, I was coming to one thing, je venais à une chose. That the garment of righteousness, que le vêtement de justice, that the Lord speaks to the church now, à travers lequel le Seigneur parle à l'église maintenant, actually bestows upon the church, en fait accorde à l'église, the character of blamelessness, le caractère d'être irréprochable. No blame. Pas de blâme. No accusation like this. Pas d'accusation comme ça. Hallelujah. Alléluia. That you may enter the kingdom of God. Pour que vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu. Now, what is the authority of the garment? Maintenant, c'est l'autorité du vêtement. That however much there is homosexuality in the church, que même s'il y a de l'homosexualité dans l'église, maintenant, if she returns to this garment, si elle retourne à ce vêtement, the accusation erased as if there has never been an accusation. L'accusation est effacée comme s'il n'y avait jamais eu d'accusation. That's the authority of the garment. C'est l'autorité du vêtement. Blamelessness. Sans reproche. Now look at this now. Maintenant, voyez ça à présent. This garment has such authority. Ce vêtement a une telle autorité. In fact, he's saying, en fait, il dit, without this garment of righteousness, sans ce vêtement de justice, there is no salvation. Il n'y a pas de salut. Can I put it better? Puis-je le mettre mieux? Nobody is worthy of being called a pastor. Personne n'est digne d'être appelé pasteur. Unless he preaches righteousness. Sauf s'il prêche la justice. I am now saying, je dis maintenant, there is the redefining of the calling. Il y a une redéfinition de l'appel. He's saying, il dit, the preachers of prosperity and sin, les prédicateurs de prospérité et de péché are too many. Sont trop nombreux. If the Lord is calling now according to time, si maintenant le Seigneur appelle selon le temps, he is calling preachers of righteousness. Il s'appelle prédicateurs de justice. If the Lord is calling anybody now, si le Seigneur appelle qui que ce soit maintenant, he is calling preachers of righteousness. Il s'appelle prédicateurs de justice. The preachers of sin, les prédicateurs du péché, and money, et de l'argent, are too many out there. Sont trop dehors. But if he's calling now, mais s'il est appelé maintenant, he's calling people that can preach righteousness. Il s'appelle quelqu'un qui peut prêcher la justice. He's saying, il dit, that the authority of this garment, que l'autorité de ce vêtement, is to actually remove the accusation on the church. Et pour en fait enlever l'accusation de l'église. So the accuser, donc l'accusateur, cannot continue accusing the church. Ne peut pas continuer à accuser l'église. So she may enter. Alors elle peut entrer. And I say, et j'ai dit, in Hebrew, from the root word, en hébreu, de la racine du mot, that is called the character of blamelessness. Ça s'appelle le caractère d'être sans reproche. He restores on her the innocence. Il restaure en elle l'innocence. The guiltlessness of plan A. La culpabilité du plan A. When Adam was just created, no sin. Quand Adam était juste créé, sans péché. Plan A. Le plan A. The first blueprint. Le premier modèle. That genuineness, innocence is restored and she enters. Cette innocence est restaurée et elle entre. But that you may understand